de l'APACW. La première. Il est 16h. Votre journal, Sophie Léonard. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Le rendez-vous était attendu à la Chambre. Le Premier ministre Charles Michel répond en ce moment aux questions des députés, des questions nombreuses vu la crise actuelle. Le budget et les réformes qui l'accompagnent ne sont toujours pas bouclées. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre a lancé un appel à sa majorité pour conclure dans les prochaines heures un accord. On l'écoute. Le choix de ce gouvernement, c'est de continuer d'arrache-pied dans les heures qui viennent, à tout mettre en œuvre pour conclure les tout derniers arbitrages, à faire en sorte que l'on garantisse de la stabilité. Et je veux profiter de ce moment, bien sûr, pour lancer un appel que chacun, dans les heures qui viennent, fasse preuve du sens des responsabilités. Nous le devons pour notre pays, nous devons le faire pour nos concitoyens. Et je voudrais m'adresser à la majorité, m'adresser quelques instants aux partis de la coalition pour leur dire que ma conviction, c'est ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et nous devons le démontrer, et je suis convaincu que nous allons conjuguer l'équité fiscale, l'efficacité économique et être en mesure de répondre aux défis qui sont devant nous. Je vous remercie. Les propos recueillis par Fabien Van Eckhout. Et à la Chambre, les patrons de Caterpillar viendront s'expliquer le 25 octobre prochain. Après une rencontre discrète, l'entreprise a finalement accepté de s'expliquer devant les commissions des affaires sociales et de l'économie. Une surprise sur le coup de 13h à l'annonce du prix Nobel de littérature 2016. Il a été attribué au chanteur pop-folk américain Bob Dylan, âgé de 75 ans. Selon l'Académie suédoise, Bob Dylan a été récompensé, je cite, « pour avoir créé, dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine, de nouveaux modes d'expression poétique ». Pour la première fois, le prix Nobel de la littérature revient donc à un chansonnier. Marie Mikils a contacté par téléphone Michel Delville. Il est professeur de littérature anglaise et américaine à l'Université de Liège. On l'écoute accompagné de quelques notes. Come, you masters of war. Oui, c'est une décision étonnante, surprenante, non seulement au regard des choix posés par le passé, qui étaient souvent basés sur des considérations, je dirais, aussi géopolitiques que littéraires. Mais c'est aussi une surprise dans la mesure où l'Académie a décidé pour la première fois, la toute première fois, d'attribuer le prix à un musicien et non pas à un écrivain dans le sens traditionnel du terme. C'est un geste fort, un geste qui n'a rien de choquant, comme je disais, parce que malgré tout, son œuvre poétique est enseignée dans les universités américaines et ailleurs. Donc il s'agit quand même de récompenser un auteur, un chansonnier qui a, par la qualité de ses textes, par un certain nombre de relations qu'il entretient avec le monde littéraire, contribuent à la diffusion d'une certaine écriture dite poétique. Ils ont donné de la légitimité à un genre qui est souvent considéré comme étant mineur, celui de la chanson. Et quelques mots sur le prix Nobel de littérature d'il y a 19 ans, l'Italien Dario Fo. Il n'aura pas pu entendre le nom de Bob Dylan, l'un de ses nombreux successeurs. Il s'est éteint ce matin à l'âge de 90 ans. Héritier direct des Arlequins, auteur de comédies bouffonnes et politiques, Dario Fo était considéré comme l'homme de toutes les surprises. Un autre décès dans le monde royal, devrait-on dire, dans le monde des divinités. Le roi Bhumibol de Thaïlande est décédé à l'âge de 88 ans, après 70 années de règne. Une période de deuil d'un an a été annoncée par le chef de la junte au pouvoir. C'est son fils, le prince héritier, âgé de 64 ans, qui montera sur le trône de Thaïlande. Le roi Bhumibol était le plus ancien monarque en exercice dans le monde. C'est désormais la reine Elisabeth II d'Angleterre qui le devient, avec 64 années de règne. Et toi, fais pas le dur. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Et donc, c'est ici que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Ben voilà, Walid. Hein. Il y a des choses qui arrivent comme ça, vous savez. C'est, l'antenne est à vous, je pense. Je pense que ce studio est habité, Sophie. Je vous dirais qu'il y a peut-être des fantômes. Écoutez, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, merci de nous avoir informés. Retour dans l'information tout à l'heure à 16h30. D'ici là, nous sommes presque sérieux. Soyez les bienvenus. C'est pas mal. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Humour également, ou presque, avec Pierre Charette qui nous parle de presque. Nicolas Sarkozy, pendant ce temps-là, ben, on a constaté qu'il aime bien jouer à qui a le plus gros gazouille. On parle des femmes ? J'ai un bilan énorme. Vous êtes humoriste, acteur, scénariste, réalisateur, et puis... Pourquoi vous avez sur fait entrer l'accusé ? Et la musique va changer au fur et à mesure. D'accord. À vous de mettre la pulsion, l'impulsion que vous souhaitez, l'émotion que vous voulez, pour nous donner envie de venir vous applaudir. Vous savez, quand j'ai quitté Reims et que je suis venu à Paris, j'ai joué devant des salles, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et grâce à ma série, il y a des gens qui viennent et ça me touche tous les jours. Et je peux dire que ça déconne plutôt bien. Et ce qui est ouf avec ce spectacle, c'est que des fois, je touche vraiment l'instant avec les gens. Il y a beaucoup de rire, il y a des moments assez forts. Vous allez enfin montrer l'ordure que vous êtes, c'est ça ? Même chercher un café, c'est ça. Si Woody Allen avait eu un aussi bon monteur que vous, il aurait enlevé 82 minutes de tous ses films. Ils auraient tous fait entre 1 et 3 minutes. Vous avez également fait du stand-up à New York. Faire du stand-up à New York, c'est un peu comme faire du cheval en Camargue. Alors, à New York... Vous avez une voix super hein, quand même, on vous l'a déjà dit ou pas ? Moi ? Moi, vous avez une voix incroyable. C'est la plus belle voix de Belgique. Ouais. C'est vrai que c'est... Ouais, de loin alors. Donald Trump est aujourd'hui réfugié dans le quartier de la Gare du Nord à Bruxelles. L'ex-député est accusé, je vous le rappelle, des attentats du 11 septembre. Empruntez la voie de gauche pour rester à droite. La phrase a résonné en moi comme une épiphanie parce que de toute évidence, le MR aussi tire son inspiration politique des conseils de Google Maps. Une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le hibou comme emblème, c'est qu'il est à la fois un emblème du savoir et de la sagesse. Ce qui est formidable avec son whisky, c'est que si on le met dans un petit poêlon et qu'on allume le gaz, le whisky hibou. Voilà. Tout ça pour ça. Ruiné tout le travail. Bravo Vincent. Il est très fier. Bravo Vincent Flibustier. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Ravi de vous retrouver sur la première belle fin d'après-midi. Nous sommes presque sérieux et l'actualité n'attend pas. La preuve avec une marque de confiserie anglaise qui a fait assurer à hauteur d'1,2 million d'euros la langue de son employé chargé de goûter les créations de la maison. Ah bah oui, c'est pas il faut ce qu'il faut. Hein. Imaginez le fiancé, tu ne touches pas ma langue. Hein. Et pendant ce temps-là, Charles Michel essaye toujours d'assurer ses arrières hein, pour 4,2 milliards d'euros. Mais pour l'instant, ce qu'il a obtenu, c'est plus un constat que d'échec. Écoutez. Et nous devons le démontrer. Et je suis convaincu que nous allons conjuguer l'équité fiscale, l'efficacité économique et être en mesure de répondre aux défis qui sont devant nous. Attention, merci. Attention. Voilà. Quel charisme. C'est beau comme du BHL. C'est la fin qui est fait par Martin Luther King. C'est énorme. C'est vraiment en anglais. André Malraux. En anglais, ça fait I have a dream. C'est voilà. Je veux que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête. Bon, en tout cas, avec eux, c'est la bonne humeur qui est assurée en cas de sinistrose ou si vous êtes un peu en pneu crevé. Bah, ils sont toujours là pour vous gonfler le moral. Voici vos employés des Tout Rire Secours. Ils sont avec nous. Tiens, lui, cotisé la misère ici-bas pour toucher le bonheur là-bas en cas de décès. Bien, on est sûr, la religion, pour lui, c'est l'omnium du peuple. Mickaël Albaz, bonjour. Bonjour Walid, bonjour à tous. Et lui, il manque parfois d'assurance, mais jamais de franchise. Et je vous l'avoue, en toute franchise, sa présence, eh bien, c'est du bonus. C'est Fred Janin qui est avec nous. Bonjour. Mais comme c'est bien formulé, mais je vous en prie. Tant que son nouvel humour à lui n'est pas assuré de faire un tabac, bien, il préfère le laisser en lieu sûr. C'est Gildal, bonjour. Hello Walid. Parce qu'il va aller chercher. Il n'est pas encore là. Et je vous dis pourquoi impro. Il n'est pas encore là. C'est Vincent Flibustier. Vincent Flibustier qui. Lâcher une nouvelle poubelle. Non, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il est en retard. Normal. Et d'ailleurs, c'est quand il a la police sur le dos qu'il n'est pas très rassuré. Hein. C'est Vincent Flibustier qui sera avec nous dans un instant et qui fête son anniversaire aujourd'hui. Allez, tout à fait. C'est son anniversaire. 42 ans. Non, 44. Comme Elio, n'hésitez pas à lui écrire au courtier du cœur. C'est Raoul Reyers. Bonjour. Vous allez bien, Raoul ? Mais oui, et vous ? Écoutez, je bête la fin. Vous avez froid parce que vous avez mis votre veste. Ah oui, toute la journée j'étais en t-shirt. Parlons météo. Toute la journée j'étais en t-shirt. Et puis on est beaucoup plus rassurés quand elle est avec nous et depuis qu'elle a suivi un stage de conduite. C'est notre assistante Carole Baquet qui est avec nous. Carole. elle conduit cette émission, je vous ne raconte pas. La main et avec le bras qui dépasse, vous savez, il roule des mécaniques. Et parfois, elle peut même être vulgaire quand il y a les embouteillages. Je vous raconte pas. Hein, ouais, donc, mais l'émission, c'était un peu comme un 38 tonnes. Ouais, c'est un peu chaud. je sais pas comment. De l'émission. Oui, oui, les métaphores ont sa limite. Oui. Faites attention, Raoul. C'est ça, les métaphores ont leurs limites. Non seulement on est enfermé, mais en prime, il faut se casquer, effectivement. Et si on veut qu'il nous donne un check en retour, eh bien. Il y a trop. C'est notre réalisateur Vincent Vandervenet qui a de ses petits doigts va réaliser cette émission. Émission que je vous propose donc de suivre durant une heure et demie, car oui, l'actualité n'attend pas. L'actualité, ce sont eux qui la font et c'est avec vous que nous en rions. Merci donc à vous d'être presque sérieux sur la première comme nos chroniqueurs. Bienvenue. C'est presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. Et aujourd'hui, nous recevrons Lara Fabian. La vraie. La plus belge des chanteuses québécoises, Lara Fabian, qui terminera sa tournée Ma vie dans la tienne le 17 décembre à Forêt Nationale avec un spécial Lara and Guest. On va lui poser plein de questions. Dites-moi, elle est québécoise. Je crois qu'elle était de Drogenboss. Elle est les deux. On lui posera la question. C'est que c'est identité multiple. J'adore cette femme. Elle est drôle. Et en plus, elle est belle. Et en plus, elle chante bien. C'est très rare. C'est ça. Mais c'est son métier, vous savez. Heureusement. Tiens, durant cette heure et demie, on va vous proposer un nouveau jeu, l'indignaton. On fera également un portrait de Lara Fabian avec Michael Albas. Et puis Fred Janin va nous proposer un nouvel épisode de Ils ne savent plus. Grande série télé connue de tous. Et puis Vincent Flibustier qui a donc changé de chemise pour le coup. Anniversaire. Bon anniversaire, bon Vincent. Bon anniversaire, Vincent. Changer de chemise. Comme si une fois dans ma vie, je pouvais. Oui. C'est ma chemise anniversaire, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'est la deuxième chemise. Alors, Vincent, il peut se le permettre aujourd'hui. Vincent Flibustier qui est donc. Qui est en retard. Oui, c'est ça pour un embouteillage. Ou alors c'est parce que je suis parti à 4 heures de chez moi, je ne sais pas. Une poubelle sur la tête. Les deux. Ça s'appelle le poubelle lag. C'est le jet lag mais en poubelle. Voilà. C'est ça. Encore la tête dans la lune, Vincent Flibustier. Merci en tout cas à vous de nous suivre. L'actualité est chargée. Aujourd'hui, je le disais, on va parler de pas mal de choses. Et puis, je vous offre des cadeaux. Nous jouons ensemble au Qui a dit. À la clé pour l'un ou l'une d'entre vous, les éditions Racine qui vous offrent Bruxelles Art Nouveau par Cécile Dubois et deux entrées à l'exposition 21 rue La Boétie du côté de Liège à la Beauvrie. Si vous souhaitez jouer avec nous, c'est le moment, c'est l'instant où vous envoyez simplement ces trois petites lettres. CPS pour C'est presque sérieux au 6031. 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et la phrase du jour avec laquelle nous allons jouer dans un instant, et vous ferez des propositions à un auditeur, en tout cas à quelqu'un qui sera tiré au sort, qui aurait pu dire « J'ai le sentiment qu'elle est motivée par un sentiment de jalousie. » Il y a de l'écho dans le studio. Alors, qui aurait pu dire « J'ai le sentiment qu'elle est motivée par le sentiment de jalousie. » Bon, je dis, il y a une redondance. Eh bien, on verra ça dans un instant. En attendant, je vous propose de s'intéresser à l'actualité de ce 13 octobre avec le qui et qui. C'est parti. Le qui est qui, je vous rappelle le principe, très simple. Hein, on demande à notre ordinateur des noms. Hein, et ce nom fait parler de lui dans la presse. À vous de déterminer pourquoi on parle de. Bah tiens, de ce premier nom, ordinateur, connectez-vous et dites-nous. Donnez-nous un nom. Qui est qui ? Attention, une phrase va défiler sur cet écran. Iskander. Ah ! Veuillez répéter. Iskander. Est-ce que ça vous parle, Iskander ? C'est un chien. Non, c'est pas un chien. C'est pas quelqu'un. Un chat. C'est un prénom ? À la base, c'est un prénom, mais. C'est un Finlandais, il ça. Il ne désigne pas, et Vincent Flibustier, peut-être sur la voix, il ne désigne pas une personne. Mais non, pas. Ah. Mais Iskander, c'est un prénom. Iskander, c'est un prénom, oui. Norvégien, un truc non, comme non, ça. Non, c'est un prénom tunisien. Ah oui. Ah bon ? Ça désigne un concept. C'est pas un concept, non. C'était pas le petit surnom du roi du Maroc ? Non. De Thaïlande. De Thaïlande ? Non. Ça n'a rien à voir avec la conquête spatiale ou c'est pas le nom d'un robot ? On n'est pas très loin. Oui. Un programme informatique ? Non. Je vous donne un indice, Poutine. Les vidéos qui passent préparant la troisième guerre mondiale. C'est pas un missile ? C'est un missile. Quand on parle Poutine, généralement, c'est un missile. La Russie qui installe des missiles à capacité nucléaire. Où ça ? Eh bien, aux portes de l'OTAN, messieurs. Eh oui, effectivement, la Russie qui a de nouveau installé ses missiles. Iskander, c'est le nom de ces missiles, capable d'emporter des têtes nucléaires dans son enclave de Kaliningrad, frontalière donc de deux pays de l'OTAN. C'est ce qu'a annoncé Vilnius, tout en notant donc que l'objectif de Moscou est d'obtenir de l'Occident des concessions sur la Syrie et l'Ukraine. Et selon la Lituanie, le déploiement de ces systèmes de missiles risque de violer le traité clé sur les armes nucléaires. Et la Pologne a également réagi avec indignation en faisant De Tchurs. On commence à être de nouveau un peu polonais. Mais en polonais. C'est bien pour nous, ça, ou pas? C'est pas bien. Non, non, non. C'est une mauvaise nouvelle, en fait. C'est une mauvaise nouvelle. À mon avis, c'est de la bombe. Ouais, à mon avis, ça peut péter maintenant, n'importe quel moment. Je veux dire, autant profiter de la vie comme elle arrive. On parle d'une seconde à l'autre, d'une minute. C'est un centième de seconde. Ça peut arriver n'importe quel moment. Moi, j'ai eu un peu peur parce que j'ai cru à un moment que c'était un restaurant à Uccle, les portes de l'OTAN. Ah non. Non, non. Là, ça aurait fait peur. C'est vrai. Vraiment. Bienvenue aux portes de l'OTAN. Alors, on a un nouveau nom à vous proposer. Ah. C'est notre ordinateur qui va vous le proposer. Écoutons l'ordinateur. Attention, une phrase va défiler sur cet écran. Carole Jacob. Ah. Veuillez répéter. Carole Jacob. Alors, Carole Jacob, dans l'actualité de ce 13 octobre. La femme de Vladimir Poutine. La femme de Vladimir Poutine. C'est pas le vrai nom de Carole Baquet. Non. Non. La sœur d'un rabbin. La sœur d'un rabbin. Une sous... Rabbi. Rabbi Jacob. Ou la sœur d'Edgar P. Jacob. Non, c'est pas ça. Non, la sous-secrétaire d'État. Non, non, non. Pensez à un désastre humanitaire pour le moment. Elle est députée. Loin de chez. Ah oui, c'est les gens qui n'ont pas eu leur ticket pour Coldplay. Non, c'est pas ça. J'ai dit désastre humanitaire. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Elle est députée? Non, non, parce que tout le monde est député. Je crois qu'elle est plutôt dépitée. Non, alors effectivement, elle est dépitée, mais est-ce que vous avez lu, entendu une info qui concerne un pays qui a été dévasté par quelque chose? Je crois savoir parce que mon voisin d'en face est haïtien. Est-ce que c'est pas haïtien? Oui, c'est Bifast. C'est la femme de Bifast. C'est pas la femme de Bifast, mais on n'est pas très loin, donc ça se passe à Haïti. Qu'est-ce qu'elle dénonce? C'est la compagne de Bifast. Non, elle dénonce quelque chose. C'est pas une bande de nouvelles non plus. Il y a eu un tremblement de terre. Non. Réchauffement climatique. Là, je pense que vous ne trouverez jamais. Elle est. C'est l'ouragan elle-même. Elle est agricultrice haïtienne et elle dit que les humanitaires viennent faire leur business à Haïti. Carole Jacob, c'est une haïtienne qui défend donc les paysans de l'île et qui craint donc les impacts de l'ouragan Matthew sur l'agriculture et sur la politique. Pour elle, l'aide internationale est corrompue et oublie les véritables besoins des habitants. Et bien, elle dit qu'il y a pas mal de pression des ambassades et des ONG pour avoir la main mise donc sur. Mais c'est vrai qu'il me semble que lors du précédent tremblement de terre, il y avait une association en particulier qui avait reçu des sommes énormes pour construire des dizaines de maisons, des centaines de maisons. Elle n'avait rien fait du tout. Et bien, effectivement, Vincent Flibustier, en gros, c'est une association qui a reçu des millions. Et sur ces millions, en fait, ils ont gardé un petit peu pour, soi-disant, faire tourner. Payer personnel. Oui, voilà. Elle a juste rencontré Sean Penn et ça ne lui a pas plu. Les frais de gestion, ça s'appelle. Non, non, non. En même temps, de toute façon, comme ça peut péter d'une seconde ou d'une minute à l'autre, on s'en fout. À quoi on s'en fout, finalement. Merci, Frédiana. Lâchons tout. J'aurais pu vous faire écouter un troisième nom, mais à cette heure-ci, on va le garder pour un autre jour, tiens, ce nom-là. C'était Nigel Maguire, si vous savez de qui il s'agit. Ça serait encore d'offrir une clé USB, Walid. Oui, alors si vous savez qui est Nigel Maguire, vous qui nous écoutez, si SMS. Vous avez lu une info qui le concerne, eh bien, vous nous envoyez la réponse par SMS. Et la réponse ne peut tenir qu'en un mot. Ah oui, en un mot. SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous envoyez ça avec le code CPS. Nigel Maguire, vous avez une idée? Eh bien, à vous de jouer. C'est parti. Dans la suite, eh bien, on poursuit cette aventure presque sérieuse avec, je le disais dans un instant, Lara Fabian qui sera avec nous pour parler de Ma vie dans la tienne le 17 décembre à Forêt Nationale. J'adore ce spectacle. Ah, j'adore. On va en parler dans un instant avec Ma elle. Vie ou mon vie et... Non. Nous sommes en direct, monsieur. On peut pas couper au montage. S'il vous plaît, Fred Jonah, quand même. C'était tentant. Remettez votre pantalon. Tiens, on va parler de l'indignaton tout de suite. Oui, à la demande générale. Que nous propose Gilles Dalle à 16h18, où vous soyez. Merci à vous d'être presque sérieux sur la première. Je suis comme nous tous ici, profondément choqué. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Et 19 minutes presque. Que se passe-t-il sur nos routes? La réponse avec Antoine Binamé. Bonjour Antoine. Bonjour Walid. Avec un accident sur la Nationale 5 Charleroi-Couvin à hauteur d'Yves Gomzé, peu avant le viaduc, passage difficile en direction de Couvin. Des ralentissements sur le 40 Aix-la-Chapelle Bruxelles au niveau du chantier de Cherat. Comptez une dizaine de minutes supplémentaires vers la capitale. Ralentissement sur le ring de cette capitale en circulation extérieure. Zaventem Grand Bigard, comptez 20 minutes supplémentaires. 10 minutes en circulation intérieure pour le tronçon Zaventem Carrefour Léonard. Puis toujours les suites de ce camion sur le flanc sur la N53 Chimay Charleroi, hauteur de Beaumont, chaussée fermée dans les deux sens, déviation mise en place. Un problème sur la route? minutes. Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0848 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Ah, ils ont une patate d'enfer aujourd'hui, ces chroniqueurs, c'est phénoménal. Ah, Raoul Reyers, Vincent Flibustier. C'est peut-être la dernière minute, ça balance. Vincent Flibustier, Michael Albas, Fred Janin, Gilles Dall, tout le monde est là. Et vous on aussi. Bien. Nous vous proposons des cadeaux. Bruxelles Art Nouveau par Cécile Dubois aux éditions Racine et deux entrées à l'exposition 21 rue La Boétie à la Bovry du côté de Liège. Pour le qui a dit du jour, en ce 13 octobre, qui aurait pu dire j'ai le sentiment qu'elle est motivée par un sentiment de jalousie. SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous démarrez votre SMS par le code CPS, vous êtes tiré au sort et vous venez participer au jeu du qui a dit avec nous. En attendant, eh bien cette semaine, Gilles Dall, vous nous revenez avec un tout nouveau jeu, ou presque, je crois. C'est bien ça. Mais oui, chers amis, bienvenue dans notre tout nouveau jeu. J'ai nommé l'Indignaton, qui consiste, je vous le rappelle, ou plutôt non, je vous l'explique, puisque le jeu est, je le répète, tout nouveau et que tout ce qui est nouveau, c'est bien, à proférer la plus belle indignation inutile possible. Un exercice auquel bien des internautes se livrent au quotidien et dont nous accueillons donc ici les plus brillants champions. Alors cette semaine, notre candidat n'est autre que Monsieur Géry De Haas de Béziti, qu'on embrasse. Bonjour. Vous allez bien, Géry? Non. Des soucis à la maison ou... Oui, c'est ma femme. Je n'en peux plus, sans compter des gros problèmes d'humidité dans mon salon. Et bon, ben écoutez, si je... très bien. On va quand même jouer, si vous voulez bien, parce qu'il faut vous indigner, d'accord, mais sur des sujets d'actualité, pour montrer que vous êtes un citoyen engagé à qui on ne la fait pas. C'est notre concept, ok? Oui, mais c'est ma femme, si vous savez. Taisez-vous. Alors aujourd'hui, comme thème d'indignation inutile, Géry, je vous soumets quatre propositions. La première, la 97 millième fermeture de tunnel bruxellois de cette semaine, avec une indignation du genre, je sais pas, le ministre de la Mobilité est un incompétent, vu que s'il était compétent, ben, ça roulerait. Donc voilà, je compte sur vous pour broder là-dessus. Deuxième proposition, le bombardement d'un hôpital à Alep la semaine dernière, avec une indignation du style « Et ça, les médias n'en parlent pas !» Sauf que forcément, ils en parlent, les médias, sinon le gars qui dit que les médias n'en parlent pas, ben, il n'en saurait rien. La troisième proposition, notre savoureux, vénéré et sérénissime secrétaire d'État au commerce extérieur, Peter de Crème, qui avait donc pour projet de se barrer 6 semaines aux States, bien à l'aise, en plein milieu de son mandat, avec un argument en béton armé, que je vous répète pour le plaisir, aucun règlement n'a interdit cela. Avec donc, pour vous, une indignation possible du genre « Et c'est en ça que servent nos impôts ?» Et enfin, la quatrième proposition, le mauvais temps, avec une indignation du genre « Franchement, si ça continue comme ça, moi je vais aller vivre aux Bahamas parce que franchement, j'ai besoin de soleil. » Bon, alors, Géry, à quel sujet aimeriez-vous vous indigner aujourd'hui? Je vous rappelle que vous n'avez droit qu'à un seul thème, on vous écoute. Ben, je crois que je vais prendre la fermeture des tunnels bruxellois. Tiens. Vous êtes sûr? Oui. En confiance? Oui. Bon alors, c'est parti, on écoute votre indignation. Le ministre est un incompétent. C'est tout? Ben, je peux dire plusieurs phrases. Ah ben évidemment, une vraie indignation, ça se fait en plusieurs phrases. Allez-y, lâchez-vous. Le ministre de la mobilité devrait plutôt s'appeler ministre de l'immobilité. Et paf! Ça, c'est envoyé. Hein. Oui, enfin, si je peux me permettre, c'est un peu téléphoné. Déjà vu. Vous pouvez faire mieux. Allez, Géry, un effort si vous voulez gagner notre grand concours. La solution... les solutions, on les connaît. Les tunnels bouchés, il suffit de les déboucher. Ok, vous vous chauffez un peu. Quoi d'autre? Allez. Et croyez-moi que si même j'étais ministre, ce problème serait réglé depuis longtemps. Ah oui, et comment vous feriez? Je donnerais 48 heures aux entrepreneurs pour tout régler dans tout le monde du trou. Non, c'est sinon tout le monde au trou. Raoul, 40 ans de métier quand même. Voilà. Et si ça ne marche pas? C'est mal éclairé. C'est écrit en 96, quoi. Refaites-la, on coupera au montage. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous faites, Géry? Si ça ne marche pas, je menace de lâcher des chiens, tiens. Affamés, sur des familles, des entrepreneurs, c'est du sabotage. Si ces tunnels vont rester bouchés longtemps. Voilà, voilà. Enfin bon, là, vous vous emballez un peu, Géry. Est-ce que vous n'aurez pas une indication, on va dire, de facture un peu plus classique? Je vous prie. Allez-y. Quand nos représentants élus comprendront-ils enfin... On l'a pas répété. Il est en train de faire un AVC là. Que la mobilité devait être une priorité. J'en appelle à une prise de conscience collective. C'est pas mal, Jérémy. Allez, plus fort. Je suis scandalisé. Allez-y. On ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. Qu'on ne savait pas quoi? On continue. Que les tunnels étaient bouchés. Bon, en même temps, personne n'a dit qu'on ne le savait pas. Allez, autre chose. Allez-y. Ces tunnels bouchés nous rappellent les pires heures de notre histoire. Ah. Et exhalent un parfum nauséabond des années 30. Jean Moulin se retourne dans sa tombe. Ah oui. Joli, touché, magnifique. Enfin, l'allusion aux années 30. Que nous attendons tous et qui vous permet, mon cher Géry, d'accéder à notre grande finale avec cette fois un sujet imposé. Vous êtes prêts? Oui. Le sujet, le Brexit et ses conséquences, on écoute votre indignation. Ce Brexit nous rappelle les pires heures de notre histoire. Ah oh oui, très en forme, Géry. Un parfum nauséabond d'années 30. Ah, enfin, je vous trouve. Jean se retourne dans sa tombe. Magnifique, magnifique. Et enfin, la finale du final premium, le méga bonus en plein, le sujet du jour, la météo pourrie, la pluie, on vous écoute. Cette météo nous rappelle les pires heures de notre histoire. Et exhale un parfum nauséabond d'années 30. Jean Moulin se retourne dans sa tombe. Et voilà, Géry, champion du monde. Yes, ah, ça fait du bien de temps en temps, le goût de la victoire, Walid. Ah, c'est magnifique, c'est jeu. Il est magnifique ce jeu, le jeu de l'indignaton que vous allez pouvoir retrouver simplement en podcastant l'émission du jour sur le rtbf.be/ovio. Tiens, vous reconnaissiez le générique qui était juste derrière ? Non. C'est pas Motus, oui, non. C'est. Attention à la marche. C'est l'indignaton ? Attention à la marche. Pareil. Ah, c'était attention à la marche. C'était ou les 12 coups de midi. Midi oui, c'était les 12 coups de midi. Oui, oui. Ouais. C'est le même générique. C'est, ouais. C'est le même générique. C'est le même présentateur. Ça va, Raoul. Raoul se remet de ses émotions. Il a couru un marathon. Oui, là, c'est... On a chaud. Hein. Entre ici, Jean Moulin. Tiens, entre ici. Moi, j'ai de la buée sur mes lunettes. Allez, 16h25, Raoul Reyer, c'est justement à vous. Dites-nous un petit peu ce que vous avez trouvé dans l'actualité du jour. Hey, Raoul, ça fait du bien. Eh bien, j'ai trouvé le déguisement qui fait fureur pour Halloween. Kim Kardashian. Oui, ouais. Génial, hein, je le veux. Enfin, il faut voir, il faut pouvoir le porter. Hein. Ouais. Je pense que je l'offrirai, par exemple, le haut à Loretta Collings et le bas à Maggie de Bloch, évidemment. Parce que, bon... Pour faire contrepoids. Ben non, un déguisement de Kim Kardashian, ligoté et bâillonné, ce qui conviendrait bien à Lorette, c'est le dessus. Oui, oui. Bâillonné, ce ne serait pas inintéressant. Oui. Mais il faudrait encore pouvoir rentrer dans le dessous. Ah oui. C'est quand même de beaucoup de place. Oui, mais ça... Et ça, ce n'est pas donné mais c'est, à tout mais le monde. Mais ça fait polémique, ce costume. Évidemment que ça fait polémique. Oui. Une société spécialisée dans les déguisements a créé ce costume inspiré d'un cambriolage. Oui, oui. Et on ne donne pas ça aux gamins, quand même. Bah non, bien sûr que non. Il faut ne donner surtout pas aux ados. Mais ils ont retiré le costume de ils ont fait marcher. Je crois qu'ils ont enlevé le fouet. Ouais, aussi. C'est quand même vendu 70 $, enfin 69,99. Je suis certain qu'il y a du Kim Kardashian là-dessous. Je suis certain qu'elle fait du business en loose day comme ça. Il était mis en bas de l'annonce du costume le diamant ne vaut pas 4 millions de dollars. Ouais, c'est ça. Quand même. Non, mais il faut préciser. Alors, oui, voilà, c'est pour ça en fait, parce qu'aux États-Unis, on peut attaquer pour tout n'importe quoi. Donc c'est vrai que quelqu'un pourrait se faire attaquer facilement. En plus, ce ne sont jamais que des Américains. Allez, rapidement, une dernière petite info. Une bonne nouvelle. Oui. Ah. Le gang des voleurs des poussettes démantelées. Enfin. Où ça? Donc à Paris. Hein, mm-hmm. Donc c'était le mode opératoire était toujours le même. Donc des individus souvent accompagnés d'enfants rentraient dans les crèches, mettaient les enfants dans les poussettes et repartaient avec. Sauf que c'est ils ont quand même piqué pour 100 000 euros de poussettes. Oula. Et ils ont déclaré au juge, on n'a pas l'habitude de travailler sur les poussettes, mais vu leur valeur, il faut savoir se recycler dans la vie. C'est vrai que la poussette, ça coûte cher. Hein, 100 000 euros, c'est 500 poussettes. Ça va être 300 à 2 000 euros. Ah oui, une poussette, ça chiffre, effectivement. Le confort des enfants n'a pas de prix, comme dirait l'autre. Mais le nombre de fois où ils sont rentrés dans les crèches pour prendre, les gens n'avaient pas compris. Non. Ah oui, c'est énorme. Allez, une dernière petite info. Non, parce que vous me l'avez piqué tout au début, c'était cette brave fille qui est spécialiste du chocolat. Oui. Dans une société de chocolat en Angleterre. Qui a fait assurer... Non, c'est le patron qui a... Ah oui, qui a fait assurer sa langue. Pour 1,2 million. C'est énorme. C'est incroyable. Si vous deviez vous faire assurer quelque chose ici autour de la table, ce serait quoi? Parce que je poserais la même question là, Fabien. Pour vous, Fred Jeannin. Attends, je ne peux pas répondre ça comme ça. Déjà, je me suis fait engueuler tout à l'heure à cause de mon jugement. non, mais... Si vous deviez vous faire assurer quelque chose parce que vous dites c'est vital, si je le perds, c'est fini, ce serait quoi? C'est vous. C'est mignon. Je note. Merci. Bon point. Gilles Dall, pour vous, ce serait quoi? Mes sourcils. C'est vrai? Pourquoi? J'y tiens. Ah, ok. Michael Albas. Ma place dans l'émission. C'est vrai? Oui. Ça, c'est gentil. Hein. Oui, c'est sympa. Justement, oui, quoi, les sourcils aussi. On va demander à Vincent Flibussier, qu'est-ce que vous voudriez vous faire assurer? Je crois, moi, mes yeux, mais si je les ai plus, ça va être embêtant. On pourra pas m'en remettre. Mais mes yeux, oui. Mais vous, la langue, Walid, quand même. Ou la bouche. Les cordes vocales. Vincent Flibussier. Non, c'est Raoul, Raoul, ça, c'est Raoul. Oui, Raoul, pardon. Il y a une espèce, AVC général. Une espèce de gaz hilarant dans le studio. Moi, ce serait mes lunettes parce que. Ce mec est fou. Je ne sais pas ce que vous avez pris aujourd'hui. Il y a de l'alcool dans l'oxygène. Je devrais assurer mes lunettes. C'est vrai. Parce que mes lunettes, c'est mes yeux. Sans lunettes, je ne sais pas remonter au bureau. Alors, je vais vous faire une confidence. Je vais faire une confidence. Ah. Avant 16h, on est toujours un peu raplapla. C'est-à-dire on digère à ce moment-là. Et à 16h, je ne sais pas, il y a une magie, il y a quelque chose qui opère. Dès qu'on rentre dans le studio. Il y a quelqu'un qui a mis quelque chose. Sans doute. Ouais. C'est un gaz hilarant quelque part ici. Quelque chose. Tant mieux. Ah, tant mieux. Oui. Mieux qu'on rit. Mieux vaut. Tant mieux. Bon, allez, dans un instant, on joue ensemble au qui a dit, qui aurait pu dire j'ai le sentiment qu'elle est motivée par un sentiment de jalousie. Eh oui, vous ne rêvez pas, c'est une phrase extraite d'un quotidien. Aujourd'hui, en ce 13 octobre, eh bien, pour vous inscrire, envoyez simplement un SMS au 6031, 75 centimes le message, CPS, avec vos coordonnées complètes et vous repartirez avec des cadeaux. Les éditions Racine vous offrent Bruxelles Art Nouveau et deux entrées à l'exposition 21 rue La Boétie. On joue ensemble dans un instant. Dans un instant également, eh bien, il y a Lara Fabian qui sera des nôtres. Restez presque sérieux sur la première. La 3 et la première présente. C'est le portrait d'un passeur, d'un marchand d'espoir qui pousse des migrants d'une vie qu'ils fuient à une autre qu'ils achètent. D'une jungle à l'autre, aux poches, Angleterre emporte nos consciences sur les rivages des infinies tragédies du monde. Info poche.be avec la participation du Vendôme. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. La Fnac fête ses 35 ans et vous couvre de cadeaux. Jusqu'au 30 octobre, profitez d'offres spéciales anniversaire Fnac jusqu'à moins 40%. Tous à la Fnac et sur Fnac.be. Fnac. Offre soumise à condition. Tritop Asset Management présente les pourquoi. Pourquoi est-il si difficile de faire le premier pas en bourse ? La bourse, c'est compliqué, la bourse, c'est risqué, la bourse fait peur. C'est vrai, surtout si on se lance seul. Pourtant, Tritop est convaincu que tout le monde mérite de profiter de l'évolution de la bourse mondiale. C'est pourquoi nous vous offrons 500 euros de bonus sur votre premier investissement de 10 000 euros. De quoi vous aider à faire le premier pas. Pour plus d'infos, follow Jack sur tritopam.com. Offre soumise à condition et réservée aux nouveaux clients. Citoyenne, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais une nouvelle fourgonnette performante et fiable, mais j'en ai besoin tout de suite. Ah, certainement. Parce que je suis jardinier, vous voyez, je dois terminer un chantier de toute urgence. Ah, mais pas de problème. Alors, écoutez, je vous sème 50 mètres carrés de gazon. Monsieur. Et puis je viens pondre chaque semaine. Écoutez, c'est gentil, mais. Pas besoin d'en faire autant. En octobre, pendant les jours pro, Citroën propose une gamme de véhicules utilitaires disponibles immédiatement. Et avec l'offre Option Plus, vous recevez 50% sur les options. Plus d'infos sur business.citroën.be. Citroën. Offre soumise à condition. Le nouveau lave-linge d'AEG, équipé de la technologie Ecomix, mélange d'abord votre détergent et votre adoucissant avec de l'eau pour laver et protéger chaque fibre. Recevez maintenant un bon cadeau de 100 euros chez Ici Paris XL à l'achat d'un lave-linge AEG. La première présente. Mineur aujourd'hui dans le monde. 8 août 1956, 262 hommes perdent la vie à Marcinelle. La mine du 21e siècle a-t-elle réellement changé depuis 60 ans ? L'exposition au Bois du Casier y répond tout en émotion jusqu'au 11 décembre. Info, leboisducasier.be, avec la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale. La première. 16h32. Votre journal, Sophie Léonard. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Le Premier ministre Charles Michel a appelé la majorité à surmonter ses divisions. Il répond aux questions des députés à la Chambre. Ambiance dans ce contexte de crise. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous devons le démontrer et nous le démontrerons, a-t-il lancé devant la Chambre. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi ce nom bien connu, Bob Dylan. Il est le prix Nobel de littérature 2016. Des titres qui seront développés dans vos journaux de 17 et 18 heures. Enfin, le CETA, l'accord et d'échange économique entre le Canada et l'Europe, sera abordé dans le CQFD d'Arnaud Reussen. Il reviendra avec ses invités sur la venue au Parlement wallon de David Lametti, le vice-ministre canadien du Commerce, et ce, dans le but de convaincre les députés des bienfaits du traité. Mais avant cela, on rigole. Non, avec vous, Walid, non ? Non. Non, pas du tout. On la refait, attention, c'est parti. Alors, on rigole, Walid, avec vous ? Non, j'ai dit on rigole pas, donc il faut la faire, allez-y. C'est à vous tout de suite, Walid. Ouais, c'est pas mal ça, Sophie. Retour de l'information tout à l'heure à 17h. Merci Sophie Léonard. En attendant, restons presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Lara Fabian sera avec nous dans un instant et puis ils sont là, il y a Fred Jana, il y a Gilles Dalle, il y a Mickaël Albas, il y a Vincent Flébussier, il y a Raoul Reyers et il y a surtout du côté de Liège, Vinciane. Bonjour Vinciane. Bonjour Walid. Comment allez-vous? C'est Waldi, non? Non, c'est Waldi. On a changé. On a fait rire l'autre jour. Sur Waldi, on a changé. Ça sonne bien. Je vais vous dire une chose. J'ai reçu un paquet d'SMS d'amis, qui ne le sont plus d'ailleurs maintenant. Il n'a plus que trois numéros dans son répertoire. Qui m'appelait Waldi. Et systématiquement, dès que je croise quelqu'un dans les couloirs, tout le monde m'appelle Waldi. Donc c'est Walid, on s'entend bien. Ma chère Vinciane, vous venez de Liège, je le disais, vous êtes fonctionnaire. Dans quel secteur? Oui. Je suis architecte en fait. Je m'occupe des écoles. Ah, architecte des écoles, c'est pas mal ça. C'est un bon boulot. C'est un bon boulot. Ma chère Vinciane, voici votre phrase aujourd'hui. Cette phrase extraite de pas mal de quotidiens en ce 13 octobre. Qui aurait pu dire « J'ai le sentiment qu'elle est motivée par un sentiment de jalousie ». Voici vos propositions, Mickaël Albas. Eh bien, c'est François Hollande à propos de Valérie Twitterweiler, hein, qui s'est encore déchaînée contre son ex-compagnon sur les réseaux sociaux en publiant des SMS compromettants dans lesquels il dit avoir pris l'ascendant sur Bernadette. Ah oui. Et oui, pour le chef de l'État critique, tout ça, c'est de la jalousie. François Hollande pour Mickaël Albas. J'ai le sentiment qu'elle est motivée par un sentiment de jalousie. Gilles Dalle. Mais c'est le Premier ministre Charles Michel qui, évidemment, faisait allusion à la mini-crise gouvernementale qu'il a traversée la semaine dernière. Et donc, il parlait des motivations de ses partenaires du CDNV. Charles Michel pour Gilles Dalle. Raoul Reyers. Pas du tout, c'est Karel van Nedveld. Qui ça? Karel van Nedveld, le patron de l'Organisation des entrepreneurs flamands, hein, l'UNISO, qui... C'est toujours à propos de cette plus-value sur les opérations financières. Il dit que ce serait un attentat sur les entrepreneurs. Vous ne me regardez pas comme ça, je n'en sais rien, moi. Non, mais c'est vous qui m'avez interpellé. Ah, mais enfin. D'accord. Karel van Nedveld, pour Raoul Reyers. J'ai le sentiment qu'elle est motivée par un sentiment de jalousie. Fred Janin. Alors, évidemment, c'est Lara Fabian. Elle va nous l'expliquer tout à l'heure. Ah ouais. Avec un titre comme « Ma vie dans la tienne », ceci explique cela. Lara Fabian pour Fred Jeannin. C'est enfin, faux, Fred. C'est Vincent faux. Flébussier non. Pour c'est, vous. C'est Fabian. Ne les écoutez pas. Fabian Lara, le sosie belge de Lara Fabian, qui accuse en fait Lara Fabian d'être elle-même son sosie et non l'inverse. Il accuse d'ailleurs de l'avoir plagié, c'est parce que Lara Fabian s'est dit « Ma vie dans la tienne » et lui venait de sortir « Mamie dans la Vienne ». Donc vous voyez le plagiat. Ok, d'accord. Voilà. C'est pas mal. On salue Fabian Lara. Oui, et on salue ce que vous faites vos courses Fabien vous. Hein sache un peu. Vous mangez quoi chez Cora. Okay. Je sais pas, je dis un truc comme ça. On dit à Cora. Vinciane. Qui aurait pu dire j'ai le sentiment qu'elle est motivée par un sentiment de jalousie. On a François Hollande, Charles Michel, Karel van Nedveld, Lara Fabian ou Fabian Lara. Déjà, j'enlèverais Lara et Fabian. Ok. Ah, oh. Ok. Mais. Pencherai pour Raoul, mais... Pencherai pour... Ah, vous n'êtes pas la seule. Ah oui, là... Ah, il a pas un chat. Il a son petit succès, le... Il a son succès. Oui. On peut rien, je ne fais rien. Ouais, il a son petit charme, hein. C'est le Alain Delon de la bande des femmes. C'est le Don Quichotte de la plancha. Ah ouais, ça. Donc François Hollande, Charles Michel ou Karel van Nedveld, vous penchez pour Raoul. Donc Karel van Nedveld, c'est bien cela? Oui. Sans certitude. Bah, comme on ne le connaît pas. Sans certitude. Vous avez de la chance en règle générale ou pas du tout, Vinciane? Dans la vie. Bon, non, pas terrible. Non. Eh bien, pour une fois, vous auriez pu jouer à l'Euro Million, hein, ouais, puisque c'est gagné, effectivement. Ah, oui, mais non. C'est Karel van Nedveld, le patron de l'Organisation des entrepreneurs flamands UNISO, qui a dit « J'ai le sentiment qu'elle est motivée par un sentiment de jalousie oui. ». Et quand il parle d'elle, c'est la taxation des plus-values qui est motivée donc, par ce sentiment de jalousie émanant des gens qui n'investissent pas, qui ne savent pas de quoi il en retourne et qui se disent « Bah tiens, prenons tout ce qu'il y a moyen de prendre ». Le vice-premier ministre CDNV Chris Preters a rendu public, souvenez-vous, aujourd'hui via Twitter, cette proposition des chrétiens démocrates flamands visant donc à instaurer une taxation de 30% des plus-values sur les actions et les produits dérivés dans l'impôt sur les personnes physiques. Et ça, ça ne fait pas plaisir à monsieur Karel van Nedveld. De l'organisation. Oui, parce qu'on va lui chercher. Vous savez, il a déjà beaucoup à manger. Donc si on lui enlève hein, les croûtes après, de la tartine. Après, parfois, pour oui, le coup, bah, quand Cook avait revendu Omega Pharma, a touché des milliards et a craché sur tout le monde en disant « Écoutez, moi, je ne veux pas qu'on me prenne de l'argent et je réinvestirai moi-même », il a racheté la moitié de Peridaisa et est sorti de l'actionnariat. Donc, il a quand même réinvesti. C'est QFD, c'est donc gagné. Ma chère Vinciane, on vous envoie du côté de Liège eh bien, tous ces cadeaux. On vous envoie aux éditions Racine Bruxelles Art Nouveau par Cécile Dubois et deux entrées à l'exposition 21 rue La Boétie, du côté de la Boverie à Liège. Restez presque sérieuse, restez fidèle à la première. Restez également avec nous car maintenant, notre invité est avec nous. Et quel invité, s'il vous plaît? Moi, je suis fan. Moi, j'ai envie de lui dire je t'aime tout le temps. On est tous fans. Hein. Oui. Vous aimez Lara Fabian, Vinciane? Elle est avec jalousie. Je l'adore. Non, mais tout le monde aime Lara Fabian. Lara Fabian, t'es avec nous, attention, faites entrer la vie. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Alors. Ah, je vais très très bien, Lara. Quel plaisir de passer cette fin d'après-midi avec vous, presque sérieusement, pour nous parler bien de cette tournée qui prendra fin le 17 décembre prochain. Alors là, Fabian, faut-il encore vous présenter? C'est des hits, des tubes, c'est une voix, c'est un sourire, c'est la Belgique, c'est le Canada. Lara Fabian, c'est l'amour. C'est pas mal ça comme présentation, je trouve. Oui. Je peux encore continuer pendant 20 minutes. Lara Fabian, c'est tout est fini entre nous. Ah, Lara déjà Fabian, c'est je t'aime. Non, mais Lara Fabian, on peut pas passer à côté. Tout le monde la connaît. Lara, c'est une tradition dans cette émission. On va vous proposer une minute cette fois-ci pour nous donner envie de venir vous applaudir le 17 décembre. Cette minute. Elle vous est offerte gracieusement par la maison et vous allez donc nous donner envie de venir vous applaudir dans ce spectacle qui touchera et qui prendra fin, donc cette tournée Ma vie dans la tienne, 17 décembre à Forêt Nationale avec une belle soirée qui se terminera par Lara and Guest. Alors c'est parti, 7 minutes, c'est parti, on a de la musique, c'est parti. Je vous invite ce 17 décembre prochain à Forêt Nationale. On payera pas. À partager. Mais pourquoi pas, tout n'est pas une question d'argent non plus. Il y en a qui pourraient être invités s'ils le souhaitaient. Mais d'ailleurs, voilà, tiens, j'offre deux places pour mon concert. Je disais qu'elle était généreuse. Le 17. Eh bien, vous allez vous serrer un peu. Et voilà, donc venez faire la fête avec nous. Ce 17 décembre, il y aura toutes les chansons que vous connaissez, celles que vous connaissez peut-être un peu moins. En tout cas, plein de déclarations d'amour en pleine gratitude, c'est le thème de Ma vie dans la tienne. Et puis quelques duos, Anne Goun sera là, me fera le plaisir de venir chanter. Natalia, qui est une méga star dans ce pays, avec laquelle j'ai eu la chance de faire un duo magnifique qui s'appelle Razorblade. Et puis une ou deux surprises que je ne vous présenterai peut-être pas, sinon ça ne serait plus des surprises. Voilà. Et puis plein de belles choses qu'on va s'échanger, en effet, ça se fête une fin de tournée. Ouais. Et il vous reste 24 secondes. C'est vrai. Nathalie, elle est connue dans quel pays? Dans le nôtre. Dans le nôtre. Ah, chez nous? Oui. Ah, ok. Les Flamands. Dans son pays. Ah, oui, d'accord, c'est vrai que c'est notre pays de l'autre côté. Oui, c'est de l'autre côté de la. Oui, c'est toujours notre pays. Hein. La barrière. Oui, c'est toujours notre pays. On est un peu du nord au sud, mais on est toujours dans le même. Alors, Lara, on s'est inquiété pendant un moment. C'est vrai. Oui, en se disant, tiens, est-ce qu'elle va pouvoir chanter, par chanter? Ouais. Comment ça se passe? Avec mes oreilles. Oui. Ça va mieux. Ça va mieux. Bon, voilà, c'était un accident très, très malheureux. Il a été cher payé. J'ai été effectivement très, très atteinte pendant longtemps. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis complètement. Si tout ça est complètement réglé, finalement, je parlais du fait d'être atteinte. Oui. Ça, c'est pas tout à fait fini, je pense. Mais bon, ça, en même temps, est-ce que mes oreilles ont un rapport avec ça? Je n'en suis pas sûre. En même temps, vous êtes au bon endroit. J'ai l'impression. Mais ça va mieux. La santé va mieux. Ouais, je vous remercie. Comme on dit chez moi, Alhamdoulilah. On parlait en début d'émission de cette Anglaise qui a fait assurer sa langue pour 1,2 million d'euros. Sa langue, oui. Pour 1,2 million d'euros. Qu'est-ce qu'elle fait, cette langue? Ça m'intéresse quand même. Alors, elle goûte du chocolat. D'accord. Juste pour ça. Et donc, c'est son patron qui a. Voilà, elle a une langue exceptionnelle. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire assurer vos cordes vocales ou vos oreilles ou autre chose? Non, pas vraiment. En tout cas, pas de cette façon-là. On fait assurer sa personne comme on le fait tous, d'une certaine façon, mais non, pas précisément, puis c'est pas quelque chose de très européen, enfin c'est peut-être anglo-saxon ou américain, mais c'est pas vraiment dans notre culture. Richard Klederman l'a fait, je pense, avec ses mains, ses doigts, ils sont assurés. Les pianistes, c'est pas rare, les mains sont peut-être un peu plus atteignables, c'est plus dangereux les mains que les cordes vocales ou les autres. Alors justement, cette voix, bien parlons-en, on regardait votre site et votre bio, à 7 ans, c'est là qu'est venue la passion de la musique. Oui, oui, dans tout cas, c'est petite, c'est certain. C'est très petite. Ouais, vous avez ce souvenir de la première chanson que vous avez entonnée. C'est quand on fait les fêtes avec toute la famille, on vous demande de monter sur la table ou sur la chaise ou sur le bar pour pouvoir faire le spectacle. Vous vous en souvenez? Ouais, Mamie Blue de Nicoletta. Ah, oui. L'époque de Roger Whittaker, c'était sifflé parce que moi j'avais 18 mois quand ça s'est passé. J'avais à peine. C'est ça, j'avais Et vous connaissiez déjà les paroles? Le sifflement, parfaitement. La perfection. Elle chantait en anglais déjà. C'est vrai. Mais mon grand-père est américain, donc voilà, j'ai une excuse. Et alors, donc oui, on se souvient, c'est les premiers souvenirs. Et ce voyage vers le Canada, vous quittez votre Belgique, vous dites tiens, je vais tenter l'aventure là-bas. C'est qui vous a ouvert les portes? C'est Céline Dion? Vous êtes dit tiens, j'ai envie de suivre sa carrière, j'ai envie de, cette femme me fascine? Ou c'est voilà, c'est le pays qui vous a attiré? Non, c'est vraiment une volonté, je pense, toute simple d'un artiste d'avoir envie de se retrouver à un endroit où la musique a cette place. Le Québec, le Canada en particulier, est un endroit où la musique a une immense place, une énorme place. Et à l'époque, avec Rick Allison, on a simplement eu envie de participer à cette espèce de chose un peu inconsciente qui est le rêve américain. Je crois que quand on est européen, qu'on habite dans un tout petit pays comme la Belgique, on a des rêves un peu plus grands que soi. Ouais. C'est ça qui s'est passé. Parce que voilà. Vous auriez pu le refaire, enfin vous pourriez le refaire là maintenant, aujourd'hui Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas à mon âge, non, je crois pas. Je crois qu'il y a une partie de ce qu'on fait qui est à la fois dans l'insouciance, dans la dévotion absolue. Moi j'ai toujours dit que ce métier m'avait choisi. J'ai pas du tout l'impression d'avoir choisi ce métier. Et que donc dans cet espace où vous sentez défini ou déterminé par quelque chose, vous faites des trucs qui sont au-delà de ce que vous pouvez vraiment comprendre. Est-ce qu'on vit encore aujourd'hui de la musique? Est-ce que c'est voilà, l'industrie de la musique? Du spectacle vivant, on peut, en tout cas. Alors après, j'allais ça dire... Ça dépend de qui, quoi. Lara Fabian, plus que la plupart des chanteurs. Probablement, peut-être parce que si je chante partout dans le monde, il y a aussi cette équation-là. Je ne chante pas juste dans les pays francophones. C'est une grande chance que j'ai, c'est de pouvoir exporter ma musique. C'est une grande chance. Et ça change complètement la donne. Mais l'économie de ce métier a complètement changé, c'est sûr. Ceux qui vendaient 10 millions d'albums, il y a encore, je vous dirais, 5 ou 6 ans, en vendant 1 million, 1,5 million, ils font des bons. Aujourd'hui, tout le monde est sur les plateformes de streaming et c'est normal. Pourquoi est-ce que vous iriez acheter un truc que vous avez gratuitement avec simplement un abonnement? Je peux le comprendre, je peux vraiment le comprendre. Donc notre vie à nous, elle est plutôt sur les planches, elle est plutôt notre pérennité à nous, elle est sur le en fait... En tournée, sur les spectacles, bien sûr. Forcément, il faut créer, il faut proposer au public, mais leur donner envie de venir vous applaudir sur scène. Ce sera le cas, je le disais, le 17 décembre prochain à Forêt Nationale. Alors, c'est assez paradoxal puisque vous devez votre vie à une panne. Pas une panne sous la couette, mais une panne. Votre vous, papa. Vous allez devoir préciser votre langage. La panne, de près de la mer du Nord. Oui, je connais bien. C'est votre père qui devait se marier 9 jours plus tard et qui a dépanné quelqu'un. Racontez-nous cette histoire. Eh bien, mon oncle, donc, qui est le frère de ma mère, avait besoin d'aller chercher sa sœur, donc ma maman. Donc mon papa et ce Sicilien sont amis. Sicilien un jour lui dit, va falloir que tu ailles chercher ma sœur à la gare parce que j'ai pas de voiture. Il dit, c'est pas possible, ce dimanche-là je fais un dîner avec les parents de ma future femme. Il dit, tu te débrouilles, c'est le baptême de ma fille, tu dois aller chercher ma sœur. Et donc cet ami belge du Sicilien, pour rendre service à son pote Sicilien, dit ok d'accord, mais alors tu m'excuses mais je vais devoir y aller avec ma fiancée. Donc cet ami belge décide de prendre Nicole, sa fiancée de l'époque, et d'aller chercher la petite Sicilienne qui arrive pour la première fois en gare de Bruxelles midi. Et voilà, elle est descendue du train et ce fut le début de l'histoire. Et papa dit toujours que lorsqu'il a vu ma mère, il était persuadé, il était convaincu que c'était sa belle histoire. Et puis le reste, on le connaît, vous chantez des chansons d'amour. Donc c'est bien, ça rapproche les gens, c'est cool. Oui, enfin ils ont mis la barre assez haute pendant un moment. Ouais. Nicole alors. Vous savez qu'elle était Miss Belgique en plus, vous imaginez à quoi est-ce que vous imaginez à quoi j'aurais pu ressembler? Mais vous êtes déjà magnifique, Lara. Vous êtes très gentil. Mais restez avec nous, on va continuer cette aventure presque sérieuse avec des histoires. Mais c'est bien que je l'aime bien. Donc voilà, restez presque sérieux, vous qui nous écoutez. On continue à s'intéresser à Lara Fabian qui sera, je vous le rappelle, le 17 décembre, un petit peu partout en Belgique et dans le monde d'ailleurs, si vous avez l'occasion de voyager. Vous qui nous écoutez d'ailleurs en dehors de nos frontières via la plateforme streaming de la RTBF sur la première.be, eh bien d'aller l'applaudir très prochainement. Il y aura pas mal d'invités, le disait Angoon notamment. Et puis d'autres, vous aurez l'occasion de les faire découvrir. Donc rendez-vous le 17 décembre. Lara, vous restez avec nous. On va juste marquer une pause et revenir dans la suite avec bien votre portrait. J'ai hâte. Oui, votre portrait vu et corrigé par Michael Albas. Ce sera dans la suite de C'est presque stéreux. Restez avec nous, à tout de suite. Vous fumez vraiment? Non, j'avale pas la cigarette. Voilà, ça a été précisé. Mais comme vous êtes. C'est presque sérieux sur la première. Vous avez entendu parler de Monde Positif ? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de Troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. MondePositif.be. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Bonjour, je voudrais acheter de la lingerie pour ma femme, je sais pas. Ah oui, bien sûr, monsieur, veuillez me suivre. Oui. Quelle est sa taille ? Alors là, mais je vais vous montrer une de ses photos de profil, peut-être que ça va vous aider. Oui. Regardez-la, on la voit bien en bikini dans le jardin, par exemple. Oh, il est beau, votre jardin. Oui, mais pour ma femme... Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfell. Cuisine Créfell, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Profitez maintenant de l'internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. La première présente, l'orchestre à la portée des enfants. Rendez-vous avec les jeunesses musicales et l'orchestre philharmonique royal de Liège, dirigé par Julien Masmondé. Une relecture de Merlin l'Enchanteur par Bernard Cogniaux. Merlin, les chevaliers, la fée Viviane, le roi Arthur, à la salle philharmonique de Liège le 14 octobre et au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles le 15 octobre. Venez nombreux. Et à 16h presque 50, que se passe-t-il sur nos routes ? La réponse tout de suite avec Antoine Binamé. Un accident toujours sur la N5 Charleroi-Couvain, hauteur d'Yves Gomzé, passage difficile en direction de Couvain, c'est peu avant le viaduc. Et puis coup d'œil sur les temps de parcours du ring de Bruxelles, circulation extérieure Zaventem Grand Bigard, plus 25 minutes, et en circulation intérieure Zaventem Carrefour Léonard, comptez 15 minutes supplémentaires. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. C'est presque sérieux sur la première. Elle terminera sa tournée Ma vie dans la tienne le 17 décembre à Forêt Nationale avec un spécial Lara Ingues. Lara Fabian est presque sérieuse aujourd'hui. Ma vie dans la tienne. Ça va être 12 ans. Bah, je sais pas, il faut que je vous explique. Ça dénoncer, qui a trouvé ce titre ? Oui, le titre d'une tournée, c'est, voilà, ça vient d'où en règle générale ? C'est le titre de l'album, oui. Ma vie dans la tienne. D'accord. Ça raconte, puisque c'est un récit, c'est un recueil de lettres qui sont dédiées aux gens que j'aime. J'ai pris ma vie, je l'ai mis dans la vôtre. En gros, c'est un peu ça que ça veut dire, mais si vous voulez, je peux continuer. Ah non, mais c'est juste pour savoir. Lara, on va sortir un peu de l'actualité et vous proposer quelques instants un portrait, histoire de nous intéresser encore plus à vous et rien qu'à vous. Voici votre portrait signé Mickaël Albas. Là, Fabian, on peut dire de vous que vous êtes une vraie glotte trotteuse, tant votre voix a parcouru de kilomètres. Vous êtes belge, né à Etterbeek en Arabie Saoudite, de père flamand, de mère italienne, vous possédez la nationalité canadienne et avez représenté le Luxembourg à l'Eurovision. Inutile de vous dire que collectionner les nations deux par Dieu fait de vous le cauchemar des administrations communales qui craignent le jour où votre passeport s'égarera. En plus, Lara Fabian n'est même pas votre vrai nom, puisque vous êtes née Lara Crocarte. Comme dirait Dodo La Saumure, c'est pas encore le budget fédéral de Charles Michel, mais c'est déjà un beau bordel. Ce qui n'a jamais changé, c'est la passion. La musique était déjà le centre de votre monde alors que vous grandissiez au pied de l'Etna. « Je vole quand de mes propres ailes ?» s'interrogeait alors la petite fille que vous étiez, celle qui se rêvait alors ballerine et qui répéto sans relâche. À l'âge de 8 ans, vous tentez votre chance dans ce domaine, mais votre audition ne pied plat au jury et vous voilà en quête d'une nouvelle vocation. C'est à ce moment-là que vous rencontrez votre voix. L'ange Peter Gabriel s'était visiblement penché sur votre berceau, ce qui fait que, pas mal de baratins et quelques barboliviens plus tard, vous atterrissez dans des bars rock avec Rick Allison, qui est prêt à vous suivre comme un fou, comme un soldat. D'ailleurs, il disait de vous, Allison, c'est ma copine à moi. S'ensuit un départ pour le Canada, une terre neuve qui a popularisé la poutine bien avant Vladimir. C'est là-bas que le vent couvert se dissipe et que l'on vous reconnaît enfin comme une chanteuse à grand coffre, ce qui est pratique quand on déménage aussi souvent que vous. On vous prédisait Québec dans l'eau et à Ontario, vous devenez star à l'âge où Zazie n'était encore que dans le métro. Et alors que vous coiffez Sainte-Catherine, Lara, Johnny a l'idée de vous inviter au Stade de France, le temps d'un requiem pour un fût, lui dont la presse people attend la mise en bière. Et ce qui devait arriver arriva. Comme vous le savez, quand une artiste francophone a du succès, les Français essayent de la faire passer pour française. Oui, les fromages voulaient faire leur beurre avec vous. Heureusement, à l'époque, vos fans belges sont prompts à réagir et lancent l'opération Lara pas fromage, qui est un succès tel que vous refaites vœu de belgitude en passant l'épreuve de force, chantée en duo avec Morane. Il faut dire qu'à cette époque, tout le monde cèdre à votre charme. Vous passez sur toutes les chaînes. Vous avez tellement de boulot, une vraie forêt nationale à vous toute seule. Comme Chantal Goya, vous n'avez pas de mal à joindre les deux bouts. Vous vous offrez même le Benelux de remplir le Madison Square Garden et de chanter en anglais avec un bel accent, preuve que vous ne pouviez vraiment pas être française. Quelques collaborations plus tard, notamment avec Jean-Félix Lalanne, le frère de Francis Auster, vous enchaînez les disques de platine, mais aucun DJ ne vous guetta. C'est alors que vous êtes contrainte à la pause, et pour cause, vous attendez un enfant, ce qu'on appelle avoir un pulicino dans le tiroir. Vous qui rêviez d'être petit rat, donner naissance à une petite loup. Et oui, on espère de tout cœur que loup ride de tout, comme sa maman. Une fois de retour, vous êtes critiqué pour vos concerts en terre russe, et pourtant il y a du monde au Balkan. Mais loin de moi l'idée de porter un jugement, de jouer l'Omar Sherif avec Mademoiselle Jivago. Moins présente ces dernières années à cause d'un vilain bruit qui vous larcène, vous prouvez à l'occasion que vous ne perdez pas la main. Vous avez même épousé un magicien afin de garder autour de vous une ambiance de cirque royal. Et puis vous pouvez toujours compter sur votre fidèle public, qui sans jamais parler, sans jamais crier, vous aime en silence. Même si vous êtes souvent entre deux îles, vous avez toujours deux ailes à ses yeux, et vous lui rendez bien par votre gentillesse, votre spontanéité, et ça, bien plus que le succès, ça rend immortel, immortel. Ah, alors Fabien, voilà, un bel hommage quand même, signé Mickaël Albas. Merci. C'est pas fatigant d'avoir que des gens qui vous aiment bien, comme ça vous voulez pas avoir quelqu'un qui... Mais j'ai aussi... Appelez Zemmour. J'imagine que... Si on avait Zemmour, je pense qu'il trouvera un truc à dire sur Lara. Je vous dirais que j'ai eu tellement l'autre truc aussi, s'il vous plaît, que j'ai... Je suis pas fatigué que ça soit revenu dans le bon sens. Ah oui, ça a toujours été dans le bon sens chez nous. Chez nous, oui. Nous, en Belgique, on aime tout le monde. On peut pas se battre avec tout le monde. Non, quand même. Le problème, c'est quoi, si vous aimez tout le monde, ça décrédibilise votre compliment, quoi. Ah oui, c'est vrai, j'aime pas faites tout le monde. Faites un compliment à Donald Trump. Il a des beaux cheveux. Ah. Oh. Mais s'il a pas de beaux cheveux. Il est audacieux en termes capillaires. Ça c'est un compliment. Il a de faux cheveux. Audacieux en matière capillaire. Ah ça je vais la replacer, ça, l'audace. Ça c'est beau quand même. En tout cas Lara Fabian, si vous voulez l'applaudir, eh bien rendez-vous le 17 décembre prochain à Forêt Nationale pour cette tournée qui se terminera Ma vie dans la tienne à Forêt Nationale avec un spécial Lara and Guest. Et elle est venue les bras chargés de cadeaux. Elle est venue avec deux places pour l'une d'entre vous nous écouter. Vous envoyez Lara simplement par SMS au 631 avec vos coordonnées complètes et vous aurez le plaisir d'aller l'applaudir du côté de Forêt Nationale le 17 décembre prochain. Moi, je viendrai. Ah, c'est cool. Ah non, je viendrai, c'est sûr. Je viendrai parce que... Parce qu'on vous invite. Non, je viendrai. Non, je paye ma place, mon téléphone. Ah, quand même. T'es tout grand seigneur. Je viens, puis après, je passe dans les coulisses. Voilà. Je vais, ça va. Je serais ravi de vous accueillir. À mon avis, il présentera la soirée. Ouais. Non. Il chante en duo, alors on lui est demandé. C'est lui la surprise. Voyez dans les surprises. Voilà, c'est lui la surprise. J'arrive et elle va me voir derrière à la batterie. Il fait des 6 de voice. Ouais, c'est ça, elle va rien comprendre. En tout cas, merci Lara d'avoir été presque sérieuse avec nous. On rappelle cette date, le 17 décembre, du côté de Forêt Nationale avec un spécial Lara and Guest. Ma vie dans la tienne, c'est également le titre de votre album. Restez comme vous êtes, Lara. En fait, vous êtes rayonnante, très splendissante. Vous êtes une vraie petite étoile et ça nous a fait plaisir de vous avoir avec nous. Merci de nous. On vous embrasse. Et restez-vous avec nous. Nous continuons cette aventure presque sérieuse avec les informations à 17h. Et puis, on reste presque sérieux. On change rien à nos habitudes, nous. À tout de suite. Salut, garçon. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 € et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Dans un monde qui change, les bons comptes font les bons couples. Et vous l'utilisez quand, votre carte de crédit? Nous, on n'en a pas. Heureusement, parce qu'elle a déjà assez de chaussures. Ah, ma carte de crédit, jamais. Ah, par contre, la sienne. Comment ça? Surtout en vacances. Ah ouais, à propos de vacances, tu devais pas m'inviter à Venise? Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a une solution simple et flexible pour gérer votre argent à deux. Découvrez le Confort Pack. Seulement 2,60€ par mois, carte de crédit incluse, sous réserve d'acceptation de votre demande. BNP Paribas Fortis. La banque d'un monde qui change. C'est toujours la fête pour les 25 ans d'Intermarché. Encore 3 semaines de produits gratuits et de super promos. Comme l'écaille en 4 plus 4 gratuites. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir votre nom ? Eric. Ah, bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses ? Disons, deux enfants, un chien, une maison de campagne, tu cuisines en semaine et moi le week-end, et je fais le jardin, et toi tu sors les poubelles. T'es d'accord ? Parce que la voiture, on l'a déjà. Parfois, ça peut aller très vite. Choisissez une Mercedes-Benz de stock sur mercedesoutlet.be et vous serez au volant en un rien de temps. Maintenant, avec 4 ans de garantie. Infos et conditions chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. La première. Météo. Bonne fin de journée à tous. Nous allons connaître progressivement un ciel plus nuageux ce soir et cette nuit. Le vent va faiblir et on aura un faible risque de quelques gouttes de ci, de là. Ce sera en très faible quantité. Les minima seront compris entre 5 et 8 degrés. Demain, le ciel sera plombé sur le sud du Sillon-Sambre-et-Meuse. On aura quelques timides éclaircies sur le nord. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies vont tenter de s'élargir un petit peu. Mais on aura aussi des averses qui vont remonter de la France et qui vont concerner donc essentiellement les régions limitrophes. Surtout sur la partie sud du pays. On attend de 11 à 14 degrés. Le week-end s'annonce particulièrement agréable. Samedi, le ciel va se dégager. On attend 13 à 17 degrés. Et dimanche, on bénéficiera d'une journée très douce puisque les maxima seront compris entre 16 et 19, peut-être même localement 20 degrés. Hé, hey, Bleu ! Ouais ? Fais gaffe, tu vas te faire tartiner. Et toi, fais pas le dur. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. La première. Il est 17h. Tout juste 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir. Une surprise et une première. Le prix Nobel de littérature a été décerné à Bob Dylan. Le chanteur et poète de 75 ans a largement marqué la musique populaire américaine dans les années 60 et 70. La Thaïlande perd l'une de ses icônes. Le roi Bhumibol est mort. Il sera resté sur le trône pendant 70 ans. Charles Michel a essuyé les critiques de l'opposition à la Chambre. Le Premier ministre s'est expliqué sur son absence mardi lors de la séance de rentrée. L'opposition, vous l'entendrez, inspirée par Bob Dylan. Antoine Binamé, quelles sont les conditions de circulation. Circulation mais plutôt habituelle. Tronçon le plus ralenti sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure. Zaventem Grand Bigard. Comptez une trentaine de minutes supplémentaires. Le prix Nobel de littérature 2016 a donc été attribué au chanteur américain Bob Dylan. Selon l'Académie suédoise, Bob Dylan a été récompensé pour avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d'expression poétique. Marie Mikil, c'est tout de même une surprise. Dans le monde de la littérature, la nouvelle étonne, un chansonnier récompensé par un prix de cette renommée. Pour Jacques de Pierrepont, journaliste et chroniqueur, le prix Nobel de littérature renoue en quelque sorte avec l'oralité. Dylan d'abord n'est pas fait pour être lu, même s'il peut se lire, mais il est d'abord fait pour être écouté, puisqu'on ne peut pas séparer dans le cas de Dylan le texte et la musique qui l'accompagne, le texte et la scansion du chanteur, narrateur, parleur, raconteur d'histoire. C'est au début de sa carrière que les textes de Dylan sont les plus engagés. Hymne anti-guerre, hommage au courage des esclaves, et Dylan apparaît comme une sorte de héros de la contestation sociale, un porte-parole de sa génération, un chantre de la contre-culture. Aujourd'hui, les textes de Bob Dylan s'étudient dans les universités américaines, même si cela reste une écriture dite populaire, qui peut être retenue facilement, qui peut être fredonnée. Pour Jacques de Pierrepont, quand on lit les textes de Bob Dylan, on lit ceux d'un poète. À la fin des années 60, quand on a commencé à parler de poésie rock, c'était le premier nom qui venait à l'esprit immédiatement, c'était celui de Dylan. Bob Dylan reste un symbole puissant de ce que les États-Unis peuvent signifier pour le grand public, comme pour le public plus pointu qui le suit, un véritable phénomène culturel qui dure, un phénomène littéraire, poétique dans le sens large du terme, et un phénomène politique. Bob Dylan, prix Nobel de littérature 2016. Et notons que ce prix n'est pas unanimement salué. L'écrivain français Pierre Michon a par exemple ironisé en tweetant « Bob Dylan, pourquoi alors Murakami peut gagner le ballon rond ?» tandis que le critique littéraire suédois Per Svensson a dénoncé un prix, je cite, « populiste et trumpifié ». Un Nobel qui naît, un Nobel qui s'en va. L'Italien Dario Fo, l'un des auteurs les plus représentés dans le monde, mais aussi écrivain, dramaturge, metteur en scène et acteur, est mort. Il avait 90 ans. Dans ses œuvres, il appelait à la rébellion contre les puissants et les hypocrites. Anarchiste dans l'esprit, batailleur critique, il avait fait sien ces dernières années les combats du mouvement 5 étoiles contre la classe politique italienne classique. Son décès a provoqué un raz-de-marée de réactions en Italie, depuis les responsables politiques aux présentateurs de télévision, en passant par les gens de lettres. Il faut surmonter les divisions. Charles Michel, à la Chambre cet après-midi, appelle à l'unité à l'heure où son gouvernement n'est toujours pas parvenu à approuver son budget ni à conclure un accord sur les réformes qu'il doit mener. Des divisions qui n'ont pas permis au Premier ministre de venir lire sa déclaration de politique générale à la Chambre. C'était mardi pour la rentrée parlementaire. L'opposition attendait des explications et n'a pas à s'étendre, Marc Serleroux. Oui, l'opposition n'a pas mâché ses critiques à l'égard du Premier ministre. Jean-Marc Nollet, pour Écolo, estime notamment que la responsabilité de Charles Michel est engagée comme chef d'équipe. De son côté, Loretta Cullings, pour le PS, a fait référence au nouveau prix Nobel de littérature, Bob Dylan. Il disait, à un moment donné, dans l'une de ses chansons, « Combien d'oreilles un homme doit-il avoir avant qu'il puisse entendre le peuple crier ?» Alors, monsieur le Premier ministre, des réformes, c'est bien, mais si c'est pour diminuer le bien-être de la population, assurément, c'est non. Charles Michel s'est bien sûr défendu en devant notamment reconnaître les difficultés actuelles rencontrées par son gouvernement et le Premier ministre d'interpeller sa majorité. Le choix de ce gouvernement, c'est de continuer d'arrache-pied dans les heures qui viennent à tout mettre en œuvre pour conclure les tout derniers arbitrages, à faire en sorte que l'on garantisse de la stabilité. Et je veux profiter de ce moment, bien sûr, pour lancer un appel que chacun, dans les heures qui viennent, fasse preuve du sens des responsabilités. En attendant, pour l'instant, le gouvernement n'a toujours pas ficelé son budget, ni trouvé d'accord sur la réforme de l'impôt des sociétés et sur la taxation sur les plus-values financières. Myria, le Centre fédéral migration, a présenté aujourd'hui son rapport annuel. L'accent a été mis sur l'exploitation de la mendicité. Le phénomène est difficilement quantifiable. Derrière les personnes qui mendient volontairement, le centre pense qu'il pourrait y avoir des personnes qui pourraient être exploitées, des victimes donc. Qu'ils soient mineurs ou des adultes porteurs d'un handicap, il s'agit souvent de Roms. Le centre donne quelques recommandations pour aider les victimes, mais voudrait également sensibiliser, Miguel Allo. Le thème abordé cette année par Myria n'est pas des plus simples. D'abord parce qu'il ne faudrait pas créer la confusion avec les mendiants ordinaires. Mendier n'est pas un délit, rappelle le centre. Et puis parce qu'il y a aussi le risque de pointer du doigt une communauté, ici la communauté Rome. Patricia Lecoq, spécialiste, traite des êtres humains chez Myria. Ce que nous on a constaté, c'est que la plupart des victimes sont de cette origine, mais il ne faut pas faire de généralisation ni d'amalgame, puisque seule en général une petite partie de la communauté Rome mendie, et l'exploitation ne concerne que très peu de personnes, certains groupes de Roms uniquement. Les informations sur ce type d'exploitation ne sont pas simples à recueillir, notamment dû à un phénomène de loyauté extrêmement fort dans la communauté Roms. Malgré tout, deux types de réseaux ont été identifiés. Donc des dossiers concernant des victimes majeures porteurs de handicap, où là les auteurs sont souvent des réseaux familiaux, et d'autre part, concernant des mineurs mendiants victimes de traite. Là, il s'agit souvent peut-être de réseaux criminels internationaux. Dans son rapport, Myria demande une meilleure sensibilisation de la police et des magistrats face à ce phénomène. Il s'agit de considérer ces mendiants pour lesquels il existe des indices d'exploitation comme des victimes et donc de les traiter comme tels. Les hommages affluent, Barack Obama, mais aussi le roi Philippe et la reine Mathilde. En visite d'État au Japon, ils se sont dit profondément attristés par le décès du roi de Thaïlande, Bhumibol. Considéré comme un demi-dieu, il est mort à 88 ans après avoir passé 70 ans à régner. Sa disparition pourrait provoquer un choc en Thaïlande. Dans ce pays de 68 millions d'habitants, Frédéric Belge, il était vénéré et considéré comme garant de l'unité nationale. Comme beaucoup le redoutaient, la mort du révéré monarque de Thaïlande, le roi Bhumibol Adulyadej, a été confirmée ce jeudi en début de soirée par le Premier ministre thaïlandais. Un deuil d'un an vient d'être annoncé par le gouvernement. Pour ne pas laisser de doute sur le nom du prochain roi, son fils, le prince Vachilalongkorn, a de suite été nommé comme son successeur au trône. Depuis cette annonce, les chaînes de télévision thaïlandaises passent en boucle des images d'archives du roi, retraçant son long règne et tous les projets qu'il a menés à terme pour le bienfait du pays. Les réseaux sociaux, quant à eux, fourmillent de témoignages de tristesse et de révérence pour le père spirituel de la nation. Les fonctionnaires du royaume sont tous invités à s'habiller de noir durant l'année à venir, a annoncé le gouvernement. La dépouille du roi, elle, sera déplacée demain de l'hôpital où il était soigné vers le palais royal, où une grande foule devrait s'amasser le long du cortège. Le deuil d'un an, qui vient d'être annoncé, sera, lui, suivi d'importantes cérémonies tout au long de l'année à venir. Les funérailles du roi ne devraient-elles pas se tenir avant de nombreux mois ? Le temps pour tous les habitants du royaume de lui rendre un dernier hommage. Un mot de sport et de tennis. David Goffin s'est imposé en huitième de finale du tournoi de Shanghai. Le Liégeois a battu le Français Gaël Monfils en 3-7, 6-4, 4-6, 2-6. En quart de finale, il rencontrera le Britannique Andy Murray. Très belle fin de journée à notre écoute. Il est presque 17h09. Toute l'info est sur rtbf.be. Et cette fois-ci, Walid est bien là. Oui, effectivement, oui. Bah, vous avez un peu été sauvé par le gong tout à l'heure. Comme d'habitude, mais vous savez, je suis un homme ponctuel. C'est une tradition, cette émission. Merci en tout cas à vous, Diane. Retour de l'information dans 21 minutes précisément avec Arnaud Reussen pour Soir Première. D'ici là, dernière ligne droite en ce jeudi 13 octobre. Que je vous souhaite excellent à l'écoute de la première. Oui, nous sommes presque sérieux. Vous avez entendu parler de Monde Positif ? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de Troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. Mondepositif.be. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux, avec Walid. Et pas que. Vous l'entendez faire des bruits de bouche. C'est Fred Janin. Fred Janin, percussionniste. Percussionniste dans la bouche. Un artiste complet. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le présenter. Il y a Gilles Dall. Quelle nouvelle, Walid. Ben écoutez, bonne nouvelle. Ravi de passer cette fin d'après-midi avec vous. Il y a Mickaël Albas. Bonjour, Walid. Il y a Vincent Flibustier. J'ai vu que des linguistes avaient analysé le beatbox et qui serait la langue la plus universelle. Il faut l'assurer. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a Raoul Reyers également qui est assuré, lui. J'ai bon. Vous avez bon. On passe une belle fin d'après-midi. Mais évidemment. La rassemblée, on enlève la buse. Une ambiance bon enfant. Il y a un instant, je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a des places pour aller l'applaudir en envoyant simplement Lara par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom, adresse. Ce sera le 17 décembre prochain pour la fin de sa tournée Ma vie dans la tienne, le 17 décembre à Forêt Nationale avec un spécial Lara and Guest. D'ici là, mais on ne doit pas attendre le 17 pour Non, c'est maintenant. Il y a 17h27, on tirera au sort quelqu'un, donc il vous reste 17 minutes précisément pour vous inscrire et Carole Baquet, notre assistante, tira ressort quelqu'un qui repartira avec ce beau petit cadeau. En attendant, intéressons-nous à l'actualité du jour avec des presque stars, avec les histoires de Vincent Flibustier et un titre que vous allez tenter de retitrer. C'est parti, c'est maintenant. C'est presque sérieux. Sur la première. Coup de tonnerre dans l'alimentation. Ah, oui. Coup de tonnerre dans l'alimentation. On a retrouvé des pesticides dans des muesli non bio. On n'en parlait pas. Pour beaucoup, le muesli est le petit déjeuner sain et énergétique par excellence, mais l'association Generations Futures a analysé 20 paquets de muesli aux fruits ou assimilés. 15 échantillons étaient non bio, les 5 derniers étaient labellisés bio et c'est sans appel. 100% des échantillons non bio analysés contiennent des résidus de pesticides alors qu'aucun des échantillons bio n'en contient. C'est énorme. Plus terrifiant, dans les 15 échantillons non bio testés, 141 résidus de pesticides ont été retrouvés au total. C'est pas bio tout ça. 57,44% d'entre eux donc sont des pesticides PE, c'est-à-dire des pesticides perturbateurs endocriniens. Ah, les PE en plus. Oui, Il est là lui. Ah, ouais, ces substances peuvent interférer donc avec le fonctionnement du système endocrinien et induire de nombreux effets néfastes sur l'organisme. Une étude qui a été menée en France et certaines des marques sont également commercialisées chez nous. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, mais... Manger des pommes. Non, pas manger des pommes. À ce niveau-là, je veux dire, d'infection et de pesticides, prenez directement le flacon, quoi. Ah oui, oui. Hein, carrément. Voilà. Si vous voulez être immortel... Ah, elle revient. Ah, ouais. Fabien. Le flacon, 17 décembre. Alors, comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information des pesticides retrouvés dans des... Ah oui, il faudra qu'on me fasse écouter Lara Fabian tout à l'heure. Moi, je suis fan. Ah bah oui. Ah, oui. Mais il est fan, je crois qu'il est fan. Dans le bureau. Je n'écoute que ça, moi. Ah, en boucle. Ah, vous vous rendez pas compte. Dans ma voiture. Ça et Enrico Macias. Oui. Mais vous chantez avec. Laissez-moi vous dire. Oui, avec. Laissez-moi vous dire. Je vous ferai écouter ce petit medley tout à l'heure. En attendant, comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information des pesticides donc retrouvés dans des muesli non bio, Raoul Reyers? Par exemple, grâce aux pesticides dans le muesli, votre flore intestinale n'a plus de soucis. Oui, c'est ça. Ah oui, les mouches vont mourir directement. Oui. Plus de larves, plus rien. C'est bon. C'est, si vous avez, qu'on appelle ça le les macrobiotes. Hein. Oui, voilà. Et ben, fini. Ouais. Fini. Mmh. Vincent Flibustier, comment est-ce que vous pourriez retitrer cette info? Méchant muesli. Méchant. Voilà, vous vous demandiez ce que je mangeais qui me rendait bizarre. Bah, c'est du muesli. Voilà. Bizarre. Ah ben voilà. Merci. Méchant muesli. Méchant. Vous allez vous on débizarriser. À Mickaël Albas, pour vous. Muesli pas bio, muesli Monsanto. Ah, ça, c'est du slogan qui tue. Qui tue, oui. Gilles Dalle. Des pesticides retrouvés dans des muesli non bio. Un scandale qui nous rappelle les pires heures de notre histoire. Vous avez oublié. Jean Moulin. Non, quand même. Vous avez oublié les deux points. Oui. Et enfin, Fred Janin, c'est vrai pour qu'il vous. Faut un truc un peu sensationnel. Après la panade de bébé dans les lames de rasoir, les pesticides dans les muesli. Ça fait peur. Ça existe. C'est pas plutôt les lames de rasoir dans la panade pour bébé. Oh, c'est ce que je me suis trompé. C'est ce que je me suis dit aussi. Bon, allez, en attendant, accueillons une presse extra, les gars. Professionnel de l'humour ici, hein. Oui, des histoires de Vincent avant la presque star, c'est maintenant. Bonjour, messieurs Vincent. Alors, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui retrouve de la panade de muesli dans son rasoir. Et c'est pas facile de se raser avec de la panade pour bébé. Par contre, non, aujourd'hui, vu que je deviens un petit peu vieux, j'ai décidé de vous parler de vieux formidables, comme James Parker, un retraité de 78 ans qui traversait le Canada en voiture et s'est retrouvé en panne au milieu des forêts de Saskatchewan. Et se paumer là-bas, c'est pas comme chez nous en Ardennes où vous marchez 30 minutes dans une direction et vous trouvez une route. Les forêts de Saskatchewan, c'est grand comme 10 fois la Belgique et il y a un habitant au kilomètre carré. Du coup, James Parker, notre retraité, un petit peu paumé au milieu de nulle part, était un peu condamné à mourir là. Le seul truc, c'est qu'il avait avec lui pour se sauver dans son pick-up en panne une hache. Et qu'est-ce qu'il en a fait de cette hache? La fumée. Attendez. Il a coupé un pneu pour le manger. Pour survivre. Oui. Comme ouais. il a tué sa femme. Il a tué un ours ou un truc comme ça, non? Eh bien non. Il a repéré en fait une centrale de relais électrique dans la forêt et en fait il a fait le vandale, donc c'est-à-dire de ses 78 ans, il a dégommé la centrale électrique à la hache et comme un punk, comme ça, prend sa centrale pourrie et du coup en fait il a coupé l'électricité dans la ville au nord à 300 km et la société d'électricité a dû venir voir ce qui s'était passé. Et donc ils l'ont retrouvé. Et pas fin, mais bon, après il a dû payer quoi. On va voir si c'est fort du jour. On va voir. Il est en prison mais il n'est pas con. Deuxième histoire, Vincent Flibustier. Il vaut mieux être en prison que mort. Salah Abdeslam. Ah, vous citez les grands auteurs. Un dérapage, je crois qu'on a notre dérapage. Cet homme est fou. Parlons d'un autre vieux formidable qui est Albert Gert, qui est le plus vieux pirate de l'histoire moderne, puisqu'il a 76 ans et il continue encore aujourd'hui à essayer de se lancer à l'abordage de bateaux au port de San Diego. En fait, depuis 1980 et son renvoi de son emploi de capitaine de paquebot, Gert s'introduit la nuit dans des bateaux, parfois énormes, et se barre avec. Et vu que San Diego est juste à côté de la frontière du Mexique, donc c'est un petit peu en dessous de Los Angeles, il laisse à chaque fois le navire dans les eaux mexicaines puis revient à San Diego en canot de sauvetage. Et du coup, les États-Unis, ça fait 6 fois, sont à chaque fois obligés de négocier avec le Mexique pour récupérer leur bateau. Bon, le gars a déjà fait 10 ans de tôle au total, mais ça l'amuse beaucoup. Ouais, bah voilà, deux histoires. Une histoire de pirate et une autre. On parle de forêt avec James Parker. Première ou seconde histoire, Gilles Dalle? Première, évidemment. Première, Mickaël Albas. Moi aussi, le Vandale. Fred Janin. Moi, je veux bien dire la deuxième pour changer, mais ça doit être la première. Ça doit être la première, mais donc, prenez la première. Vous êtes sur la première. Alors, on va demander à Raoul Reyers. Bah, écoutez, la première. La première. La première. C'est la meilleure. C'est la première. Est-ce l'histoire vraie du jour? Roulement de tambour pour le découvrir. Vincent Flibustier, cette histoire avec James Parker ou ce pirate? Eh bien non, la véritable histoire, c'était la panade dans les lames de rasoir. Et également James Parker qui, oui, voilà, je trouvais l'histoire assez formidable en fait, parce que le gars, il faut vous imaginer un territoire grand comme quasiment la moitié de la France où il n'y a que de la forêt, des ours et des trucs horribles. Le gars était vraiment foutu, il faisait froid et il a eu la meilleure idée qui soit. Et en plus, c'est pas évident avec une hache de dégommer un truc électrique. Donc ouais, c'était vachement dangereux. Oui, et donc voilà, je trouvais ça absolument extraordinaire. Et a priori, il n'a pas dû payer les frais, il n'a pas été enfermé. Ça, c'est la belle masse.

service de radiodiffusion télévision belge de langue française vous propose... Ils ne savent plus. Un feuilleton radiophonique de Martial Poivre et Pièvre Froidure, alias Froid-Froid. Saison 3, épisode 372, ils ne savent vraiment plus. Mais franchement, c'est plus possible. Quoi? Mais tout. Enfin, rien. C'est plus possible. Mais quoi? Quoi? Qu'est-ce qui n'est plus possible? Ce qui se passe dans l'actualité. Si c'est possible, puisque ça se passe. Oui. Enfin, je veux dire, il faudrait que ça change quand même. Et comment? Il faudrait des hommes politiques un peu plus... un peu moins... Allez, qui... Allez... Qui quoi? Allez, quoi, qui s'attaquerait aux problèmes, qui leur apporterait des solutions. Ah, ça, oui, bonne idée. Mais quel genre? Genre que... pour que tout aille mieux, hein, pour que... Parce que là, pour le moment, c'est le bordel intégral, hein, ils ne savent plus. Mais quel genre, par exemple, si toi, t'étais élu, tu ferais quoi? Moi? Oui. Eh ben, moi, hein, ma toute première priorité, hein, tu vois, ce serait, sans hésiter, de mettre l'humain au cœur du système. Allez, et comment tu ferais? Eh ben, je mettrais tout en œuvre directement, à peine arrivé, hein, dès le lendemain de mon élection, parce que, allez, pour que l'humain soit au cœur du système, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais quoi, tu ferais quoi, concrètement? Attends, par exemple, hein, tout ce qui est ordinateur, tout ça, tout ce qui est numérique, computer, hein, poubelle, interdit, voilà. Ouais, carrément. Oui, carrément, mais oui, ça nous a foutu dedans, hein. On ne peut même plus s'arranger, c'est les machines qui décident de tout. Avant, on pouvait s'arranger, hein. On bidouillait, Il faut en revenir à des vrais contacts humains, tu vois, c'est ça. Et puis, tout le monde devrait virer son ordinateur. Maintenant, c'est fini. Mais alors, on ferait comment pour se contacter? On s'écrivait par lettre à l'ancienne. Moi, j'aime bien une vraie écriture au stylo plume avec des ratures. Mais en quoi les lettres? C'est plus humain qu'un ordinateur. Je sais pas, enfin... tu vois quoi? Mais non. Je mettrais tout en œuvre pour que ce soit l'homme qui soit vraiment au centre de tout, tu vois, au centre, l'homme avec un grand H, hein, la femme aussi, enfin, l'homme, quoi, l'homme humain. Mais quoi, au centre de tout? De tout. Je peux pas dire mieux, au centre de tout. Ok, quoi d'autre? Tous les problèmes qui nous empoisonnent l'existence, je les prendrais à bras le corps, tu comprends? Et je leur tordrai le cou. Et je les mettrai à bas. Et tout y compte. Ouais. Bon, tu prends encore quelque chose pour moi ou... L'addition pour la 4, s'il vous plaît. L'addition pour la 4. Ah, excellent. Excellent, excellent, excellent, cet épisode, ce feuilleton, cette série. C'est poignant. C'est un peu trépidant. Ils ne savent plus. Ils ne savent plus. Vraiment plus. Mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, finalement, hein, de se dire qu'on mettrait l'ordinateur de côté, les smartphones de côté. On va remettre au bac. À l'ancienne, avec du vrai contact humain. Mettre l'humain au cœur de tout. Exactement. C'est vrai que c'est une... Est-ce qu'on devrait pas arrêter tous ces trucs-là, les radios et tout ça, la bande FM? Non. Vous savez qu'on nous a foutu dedans, tout ça. L'humain au cœur de tout, c'est un peu comme, c'est un peu galvaudé, c'est un peu comme le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on utilise des phrases effectivement toutes faites pour se dire des choses qui en fait n'en sont pas. Mais c'est pas une mauvaise idée. Et on mettrait une étiquette avec vrai contact humain. C'est vrai. Avec des vrais morceaux. Mais là, c'est un peu plus tendancieux. Humain au cœur du système. Là, vous risquez d'avoir tout de suite des escas sur le coup. Est-ce qu'on ferait pas une radio qui s'appellerait Radio Contact Humain? Ah ouais. Mélange entre le CDH et Radio Contact. Ouais. Juste comme ça. Ouais. C'est une bonne idée. Ça pourrait, mais ça marchera jamais. Allô, Corinne, il y a quelqu'un qui s'en fait pitié. Oui, on va l'envoyer chez eux, il n'y a pas de souci. Ah, aucun problème. Tiens, à 17h26, l'émission touche presque à sa fin. Je tiens à saluer déjà Marc de Soigny qui repart avec deux places pour aller accueillir Lara Fabian le 17 décembre prochain à Forêt Nationale dans le cadre de sa tournée. Le réalisateur qui a des spasmes. Ah, une belle tournée donc. Avec Lara Fabian et pas mal d'artistes qui viendront en guest. Ça, c'est une très très belle chanson, ça. De toute ça. Beauté. Écoutez. Et Cassé, c'est elle aussi. Cassé. Non, ça c'est Cassé, c'est pas elle, c'est Nolwenn Leroy. La gaffe. Myriam Leroy. Cassé. Ils sont ça, je connais. Ils sont ah oui, mais. Ah, bah, je oui. t'aime, c'est elle quand même. Je t'aime, c'est elle. Ah, oui, oui, ça oui. Ouf que. Être je t'aime à l'italienne, c'est elle. Non, non, c'est Nicole Croce. L'Arc de Connemara. Non, l'Arc de Connemara. C'est elle. Et voilà, Lara Fabian qui sera donc au concert. Bravo, bravo à Marc. La Bamba. Et tiens, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Fred Janin. Vous étiez exceptionnel. Non, non, vous étiez rayonnant. Non, non, non, non. Vous il étiez faut se remettre dans ce feuilleton parce qu'il y avait longtemps que ça. Ben, j'en veux savoir ce qui va se passer. Cette série, on ne dit pas feuilleton. Mais on découvrira ça dans un prochain épisode. Merci Gilles Dalle. Mais c'était nouveau cette fois-ci. Bah, mon étiez, humour. Vous étiez parfait. Ah, je me change rien. Merci Mickaël Bass. Merci à vous. Merci Vincent Flébussier. Merci à vous, Walid. Les gens doivent savoir à quel point vous êtes formidable et vous tenez debout malgré les épreuves. Malgré le vent, vous êtes immortel, Walid. Et bravo, et on vous aime. Bravo, Jordi. Vous aime, Walid. Bravo. Ne changez rien. C'est Raoul Reyer, ça. Moi, j'ai une très bonne nouvelle parce qu'un verre de pastis équivaut à une heure de non, sport. Non, c'est une fausse info, ça. Jamais c'est de la fausse vie. Info. Nordpresse.be. C'est ça. La sardine du port. En attendant, on vous donne rendez-vous demain pour terminer cette semaine presque sérieuse avec vous, avec un très très chouette invité et une émission un peu différente. Demain, on sera un peu plus sérieux que d'habitude avec notre invité Corneille qui viendra nous présenter son premier ouvrage. Pierre Corneille. Corneille, trois ans d'or. Là où le soleil disparaît. Restez presque sérieux, ne changez rien à vos habitudes. Et rendez-vous avec l'information sérieuse avec Arnaud Roysen tout de suite. Soir première, portez-vous bien et réécoutez l'émission sur la rtbf.be/ovio. À demain 16h sur la première. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à 20h. Le monde est un village. Ce jeudi, c'est le retour de nos lives. Ils seront nomades aussi, puisque nous vous donnons rendez-vous à l'auditorium Abel Dubois de Mons pour accueillir des musiciens fantastiques, colorés et très entreprenants. L'Orchestre International du Vetex. Live ce soir entre 20 et 21h. Le monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir votre nom? Eric. Ah, bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses? Disons, deux enfants, un chien, une maison de campagne, tu cuisines en semaine et moi le week-end, et je fais le jardin, et toi tu sors les poubelles. T'es d'accord? Parce que la voiture, on l'a déjà. Parfois, ça peut aller très vite. Choisissez une Mercedes-Benz de stock sur mercedesoutlet.be et vous serez au volant en un rien de temps. Maintenant, avec 4 ans de garantie, infos et conditions chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Hé, hey, bleu. Ouais. Fais gaffe, tu vas te faire tartiner. Et toi, fais pas le dur. Plus de 500 fromages de chez nous.